de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Que fait-il ? Il fait peur, bien sûr, on le sait cela. Fantômas, comment le cinéma représente-t-il le corps de Fantômas ? C'est le corps de quelqu'un. Fantômas, c'est quelqu'un qui apparaît, qui disparaît, qui réapparaît. On peut être une figure mythique et avoir un corps, ne serait-ce qu'au cinéma, muet ou sonore et parlant. Et les comédiens ? Faut-il faire appel à un seul comédien, à plusieurs comédiens ? L'idée de fantôme, de Fantômas, est un virus. C'était en 2002, Laurent Goumard s'intéressait au corps emblématique du grand criminel qui fait peur. Kick up. One, two, three, four. March, march, march. Punch, punch, and continue punching. Up, back, up, and back. Very nice. Fantômas. Vous dites ? Je dis Fantômas. Qu'est-ce que c'est ? Rien et tout. Mais enfin, qui est-ce ? Personne et cependant quelqu'un. À la fin, me direz-vous, que fait ce quelqu'un ? Il fait peur. Pas de malentendu, c'est bien Studio Danse consacré à Fantômas, corps de la métamorphose, de la disparition, qui a été repensé, conceptualisé par Jean-Marc Lalanne, co-rédacteur en chef des Cahiers du cinéma, et Philippe Azoury, critique à Libération, dans leur livre « Fantômas, style moderne » aux éditions Centre Pompidou, « Yellow Now ». Fantômas donc pour une émission de danse, Fantômas parce que le corps de Fantômas peut être appréhendé comme un outil pour comprendre, et Stéphane Bouquet nous y aidera en fin d'émission, pour comprendre les enjeux d'une certaine partie de la danse contemporaine, depuis l'esthétique cagoulée de Christian Rizzo jusqu'aux disparitions de Xavier Leroy. Alors, petite fiche d'identité de Fantômas avec Philippe Azoury. Philippe Azoury, les auteurs de Fantômas. C'était Pierre Souvestre et Marcel Alain. Et la particularité de leur travail d'écriture ? Ils n'ont pas écrit leurs 44 volumes à quatre mains, mais ils l'ont dicté à deux voix. Première date de parution ? 1911. Première date du film ? La première adaptation de Louis Feuillade date de 1913. Alors qu'est-ce que vous déduisez de ce rapprochement des deux dates ? Tout simplement, c'est un tel phénomène que le film commence alors que le cycle écrit n'est pas tout à fait terminé. Philippe Azoury, alors que dans les livres de Souvestre et Alain, le corps de Fantômas n'est pas décrit, comment le cinéma arrive à prendre en compte ce corps et comment il arrive à lui donner justement véritablement corps ? Donc effectivement, chez Souvestre et Alain, qui sont les deux littérateurs qui ont rédigé toute la série des Fantômas, le corps de Fantômas n'est pas décrit. Il n'est décrit que sous ce qui a trait à ses apparences, des légers détails, une moustache, une chemise. Pour le cinéma, ça a immédiatement fonctionné sur un morphing. Je ne sais pas comment, Jean-Marc, toi tu le qualifierais. C'est-à-dire que Jean-Marc Lalanne. Dans le premier film de Feuillade, donc deux ans seulement après le premier roman de Souvestre et Alain, l'acteur qui joue le rôle de Fantômas, un comédien appelé Valgrand, apparaît au générique du film sous son vrai visage, le visage nu de l'acteur, non actualisé encore dans un personnage, et tout à coup apparaissent en surimpression tous les visages qu'il va épouser durant le feuilleton. Et donc le programme narratif du feuilleton est donné tout entier dans le générique, et d'une certaine façon on peut dire que Feuillade invente 70 ans avant le morphing, cette technique qui permet le changement à vue sur un visage, par une surimpression très basique. Donc cette espèce de défaut de corps non actualisé dans ses déguisements chez Souvestre et Alain apparaît dans le générique du film de Feuillade, tel qu'il ne réapparaîtra plus jamais. Donc cette espèce de condamnation au descriptif dû au cinéma, puisque forcément le corps est là, premier, avant le personnage au cinéma, Feuillade le traite d'emblée, le mène à l'abîme dès son générique. C'est tout le programme du morphing qui est déjà là dès 1913, donc ça, puisque le premier film est de 1913. Ce qui est intéressant, c'est que justement Feuillade était un cinéaste ontologiquement réaliste, même s'il n'a mis en scène que des histoires fantastiques. Et donc, par rapport à cette image non stable qu'est le corps de Fantômas, cette image qui mute sans arrêt, il est d'une rationalité impeccable, puisqu'il y a un acteur pour Fantômas, et les personnages que Fantômas, dont Fantômas vole l'apparence, sont joués par d'autres acteurs, et lorsqu'on voit Fantômas dans ces personnages qu'on a d'abord vus incarnés par un autre acteur, c'est le premier acteur déguisé. Donc c'est une rationalité imparable. Dans les films suivants, il y a un processus de fantomatisation du cinéma qui se met en place, puisque ça va être un même acteur qui va jouer le modèle et la copie, à savoir le personnage non saisi par Fantômas, puis ensuite le personnage joué par Fantômas. Et ça aboutit chez André Unebelle. André Unebelle, donc c'est celui qu'on connaît, oui, avec Jean Marais. Certains connaissent aussi celui de Feuillade, voilà. Vous savez. Le... ça n'engage que votre culture. Disons le réalisateur culte, disons-le ici, c'est Unebelle. Voilà. Donc effectivement, c'est chez Unebelle, vous avez bien raison, que les processus de fantomatisation de cette mise en corps de Fantômas sont le plus complexe, puisque Unebelle a cette idée folle de faire jouer le personnage de Fandor, donc du côté du bien, et celui de Fantômas par un même acteur qui est Jean Marais. Donc ça aboutit à des choses un peu folles, qui est qu'à un moment donné, on voit Jean Marais se déguiser en Jean Marais, et en même temps qu'il ne doit plus ressembler tout à fait à Jean Marais pour qu'on comprenne que ce soit Fantômas dans le rôle de Fandor. Alors que la fiction ne dit jamais ça, que Fandor et Fantômas se ressemblent, puisque c'est le même acteur qui joue. Donc c'est comme si, comme un virus, l'idée de Fantômas est passée dans toutes les veines du film. Et c'est ce qu'on a décrit dans le livre par fantomatisation de la mise en forme cinématographique de Fantômas. Qui est là ? Là. Venez, mon cher maître. Je vais vous montrer votre nouveau domaine. Un endroit charmant. Et loin de la forêt où l'on vous recherche. Très loin. C'est à votre intention que j'ai acheté ce cloître abandonné. Pendant l'occupation, la Gestapo y avait installé, disons, un de ses laboratoires. C'était des gens sérieux. Nous sommes à 50 mètres de profondeur. Pas de cri. Pas d'indiscrétion. Blindé, escalier dérobé, fermeture automatique, du travail d'artiste. Oh, je ne fais pas de politique, mais je rends hommage. Horreur et discrétion, on ne fait pas mieux. Nous allons pouvoir travailler tranquillement. Travailler, bien entendu. Vous allez continuer sous ma protection l'ouvrage commencé dans le désordre de l'improvisation. Et ça garde toujours un petit côté bohème. Je corrigerai ça. Ah, une chose très intéressante, très utile. Ces manettes permettent d'ouvrir dans le centre du hall une piscine pleine d'acide sulfurique. Oui, ces messieurs de la Gestapo faisaient disparaître ainsi les cadavres de leurs victimes. À ce point-là, le crime m'atteint vraiment à la poésie pure, au lyrisme. Je suis sensible à cette trouvaille comme un poème de Prévert. Eh oui, j'ai mes faiblesses, qui n'en a pas. Philippe Azoury, quel est cet extrait de film ? Non, c'est un extrait d'une version de Fantômas qui est assez rare, c'est Fantômas contre Fantômas, le film de Robert Vernet qui date de 1949. Là, elle est surprenante quand on entend l'extrait, puisque la Gestapo y est vantée comme geste esthétique. Bon, ça fait partie de la provocation un peu métallique comme ça de Fantômas, un très très beau passage. Et puis là, ce manoir retiré de toute société est aussi pas mal. C'est un film très très provocateur, hein, le film de Robert Vernet. Il est à la fois du côté de Lang, de Fritz Lang, par des côtés très métropolis avec des clones et qui nous ramènent au corps, mais aussi avec un dandyisme à la Cocteau qui est vraiment, c'est un film très très rare. Fantômas appartient d'abord à la littérature et au cinéma fin de siècle. Aujourd'hui, comment en arrivez-vous à voir dans Fantômas une métaphore du corps contemporain, Philippe Azoury? C'est bizarrement peut-être en essayant de comprendre le côté politique de Fantômas qu'on est arrivé à ça, c'est-à-dire à savoir vers où son banditisme le menait. Et en prenant les livres de 1911, on tombait sur une sorte d'anar, un peu de droite, enfin, assez complexe. Mais de fil en aiguille, en poussant le système très très loin, ce système d'apparition et de disparition, on aboutissait sur la figure de Guy Debord, c'est-à-dire d'un sort de terrorisme du visuel, s'attaquant au spectacle, même si celui de Fantomas est presque contraire à celui de Debord. Mais il y a un moment, le moment où Debord décide de disparaître, enfin de ne pas apparaître sur la scène du spectacle, qui est assez proche de ce moment où Fantomas, lui, entre deux méfaits, disparaît ou se fonde en une nouvelle apparence. En tout cas, la laisse passer. Et ça laissait l'interrogation ouverte sur toute une politique aujourd'hui, enfin du corps. C'est-à-dire comment arriver dans un projet terroriste comme celui de Fantomas. Parce que nous, on l'a résumé ainsi. Hein, c'est le Fantomas héros de cinéma est un Fantomas qui, dans le premier crime, est celui d'attenter au visible. Et comment justement aujourd'hui, dans un moment où le paraître est à son maximum, où on en a fait, enfin, où la médiatisation est absolue, serait inévitable, comment aujourd'hui justement des corps choisissent par dandyisme, par banditisme de disparaître. Et c'est pas du tout antinomique avec l'idée de d'apparition, c'est presque son corollaire. S'attaquer au visible, c'est un programme qui signifie quoi ? Ça veut dire s'emparer de dans le cinéma tel qu'on le trouvait en 1913, c'est-à-dire un cinéma qui se contentait de cadrer, donc de saisir une image, un théâtre filmé. C'était pour, en tout cas chez Feuillade, pour le Fantomas de Feuillade, l'idée de creuser toute la surface du plan et de lui trouver des choses trappes, des moyens de s'échapper. Plus loin, pour le projet de Fantomas, ça voudra dire aussi, révéler les apparences comme étant trompeuses. C'est-à-dire que la vérité d'une apparence, c'est justement qu'elle soit trompeuse. Et que c'est sa seule vérité. Et qu'à partir de là, on peut jouer, on peut s'amuser. Jean-Marc Lalanne ? Oui, je dirais aussi que ce qui est beau chez Fantomas, c'est que c'est... une instance, un personnage délivré de la question du corps d'une certaine façon, enfin délivré de la clôture humaine d'un corps. Et de sa construction. Enfin de... Et le cinéma contemporain, notamment le cinéma américain, je pense par exemple à Terminator 2, James Cameron, n'a cessé de rêver sur ces corps perpétuellement métamorphosables, qui ne connaissent pas la clôture d'une seule identité. Et Fantomas invente ça, un corps affranchi de toutes les limites d'un corps humain, d'une identité clôturée, unique, singulière. C'est à la fois tout le monde, tout le temps, et n'importe qui, donc personne. C'est un virus. Il y avait un paradoxe de Godard disant que Feuillade, avec Fantomas, avait inventé le cinéma américain, avait fait le premier film américain, alors que Feuillade est français. Mais c'est vrai que c'est une idée profondément américaine, qui est ancrée dans la culture américaine, d'un corps qui va renaître, qui va ressusciter. Le corps palimpseste. Ouais, voilà. Qui se recompose comme ça sans cesse, qui ressuscite. Et cette idée-là, cette liberté avec le corps et sa construction, que les Américains ont de façon beaucoup plus... plus ancrée que nous en Europe, et peut-être effectivement elle est née là, dans ce premier, un de ses premiers serials français qui était Fantomas. C'est un paradoxe. Et je dirais aussi que, par exemple, dans les jeux vidéo aujourd'hui, avant de faire évoluer Lara Croft, il y a des comédiens qui sont habillés en tenue de patineurs ou de rats d'hôtel, qui répètent les mouvements du personnage de dessin animé, d'animation infographique, pour qu'on puisse ensuite caler le visuel de Lara Croft sur des mouvements humains. Et Fantomas, c'est ça, c'est-à-dire c'est cette espèce de squelette sur lesquels on peut projeter des images qui sont infographiques, virtuelles. C'est une sorte de mouvement réduit à son essence, sur lequel toutes les projections sont permises. C'est le premier personnage virtuel, d'une certaine façon. Philippe Azoury, une explication peut-être quant à ce choix musical dans votre playlist? Oui, c'est un morceau, c'est un des premiers maxi d'Underground Resistance, un des collectifs originels de la techno de Détroit, ça date d'il y a une dizaine d'années. Ils étaient quelques-uns comme ça entre Détroit et Berlin, il y a donc 10 ans, à rêver d'une techno qui serait un virus, qui serait résistante et souterraine. Il y avait Maurizio von Oswald à Berlin, qui n'a jamais été photographié, dont on a entendu un morceau précédemment, et Mad Mike Banks, donc à Détroit, leader de Underground Resistance, qui a donné une interview mémorable à Arte il y a 5-6 ans de cela, complètement masqué, très terroriste, et cette idée de masque qui a influencé directement les Daft Punk. Alors on a le sentiment qu'il existe un rapport homothétique entre le corps de Fantomas et l'écran de cinéma, comme s'il y avait une superposition de surface en fait. C'est une surface compliquée hein, par ailleurs, la surface de Fantomas si on la prend très au sérieux, puisqu'elle est à la fois métamorphose perpétuelle et aussi grand vide. Et cette sorte de tâche, son idée de lui toujours de poser sur l'écran et de cette forme noire rappelle sans cesse l'absence. C'est pour ça que le paraître et le disparaître chez lui sont sans cesse liés. C'est les tenants et aboutissants de sa propre sculpture, disons. Tout à l'heure, Jean-Marc Lalanne et Philippe Azoury, vous parliez de virus, vous parliez de complot, vous parliez donc de cette vision que vous aviez d'un fantomas terroriste du visible. Comment pouvez-vous expliquer que le cinéma français, à part en fin de compte le Irma Vep, mais il faut voir aussi quelle est l'actrice principale de Irma Vep, qui est donc Maggie Cheung, donc c'est du cinéma français mais tourné aussi vers l'Asie. Pourquoi le cinéma français ne prend plus en compte ou ne prend pas en compte ce corps contemporain de Fantomas, alors qu'il est présent dans le cinéma américain, par exemple, alors qu'au départ, c'est une créature de l'imaginaire français. Oui, effectivement, le corps du cinéma français est un corps parlant et très peu un corps actant. Mais en même temps, et pour être tout à fait, disons, juste, il faut dire que Fantomas, donc, d'une part, a donné lieu à l'adaptation d'André Hinebelle dans les années 60, que Georges Franju a aussi retravaillé Fantomas, par exemple, dans Judex. Mais c'est vrai que c'est assez troublant. Il y a eu beaucoup d'adaptations de Fantomas dans le cinéma français, mais ça a très peu infusé en dehors de ces adaptations littérales, alors que dans le cinéma de Hong Kong ou dans le cinéma américain, alors que Fantomas n'a jamais été adapté littéralement, Fantomas est partout, effectivement, et a largement irrigué l'imaginaire du cinéma international et effectivement très peu du cinéma français. Brigitte. Toujours au fond des cafés, comme au fond d'un bois, tu ne veux pas qu'on te Alors, dans le livre, il y a beaucoup de références à d'autres disciplines que le cinéma ou la littérature. Il y a aussi la danse ou la performance. Vous mentionnez notamment donc, le chorégraphe Christian Rizzo, le performeur Live Bowery, qui présentent tous deux des corps cagoulés. Alors, Jean-Marc Lalanne, comment articulez-vous ce corps masqué avec celui de Fantomas? Je pense qu'aussi bien Live Bowery que Christian Rizzo ont pensé à Fantomas ou aux vampires de Feuillade en mettant en scène ces corps cagoulés. Moi, ce qui m'a intéressé dans le spectacle de Rizzo, du point de vue Fantomas, parce que et pourquoi pas Falbala, etc., voilà. etc. C'est que je ne, étant donné que c'était le premier spectacle que je voyais de Rizzo, que je ne connaissais pas le corps des danseurs, je n'arrivais pas à voir si sous ces corps cagoulés c'était un danseur ou une danseuse, et c'était au moment où on travaillait avec Philippe sur la question de l'ambiguïté sexuelle de Fantomas, on ne sait pas quelle est l'identité sexuelle de ce corps sous la cagoule. Et je trouvais que Rizzo avait vraiment vu ça et avait su le mettre en scène sur ce cagoule, parce que quelque chose de l'ordre de la bipolarité homme-femme se dissout dans la figure de Fantomas. Fantomas est une instance ô combien sexuée, une sorte de créature SM, mais quelque chose de la convention... des répartitions des catégories sexuelles disparaît sous ce corps bondagé. Et après coup, nous, on s'aperçoit bien que ça allait au-delà même du transformisme. Donc, on ne peut pas effectivement s'attaquer à ce point à l'identité sans toucher à l'identité sexuelle. Donc en 1913, Louis Feuillade réalise Fantomas, et 2 ans plus tard, il réalise Les Vampires, autour vraiment du même thème de la secte secrète de malfaiteurs, sauf que le leader n'est plus un homme, Fantomas, mais une femme, jouée par Musidora. C'est absolument la même silhouette, sauf que il y a des seins et des fesses de femmes qui apparaissent sous cette espèce de gaine de latex. Puis avec ce corps comme de 1914, hein, qui est plein. À la courbée, un peu. Et donc, dès qu'il a touché à Fantomas, Feuillade a eu besoin de l'invertir sexuellement en créant sa réplique, sa fantomette, en quelque sorte, 2 ans plus tard. Et d'ailleurs, Fantomette aussi accomplit la même révolution vers la féminité sur Fantomas. Donc, comme si il y avait déjà les germes de son devenir transformiste dans Fantomas. Et ça, c'est un cinéaste portugais contemporain, João Pedro Rodrigues, qui l'a poussé à son terme dans un film récent qui s'appelle O Fantasma, où il reprend la figure de Fantomas, à savoir cette espèce de rat, de chauve-souris qui court sur les murs, sur les toits, qui rentre chez les gens, sauf que là, c'est plus pour les dévaliser, mais pour les violer. Et il va jusqu'au bout, mais Assayas l'avait déjà un peu fait avec son Irma Vab, d'ailleurs, de toutes les fantasmagories sexuelles du personnage de Fantomas. Et on s'est mis à rêver, enfin, vous savez, la toute première affiche, la toute première couverture de Fantomas. Fantomas avait survolé Paris, enfin, il dominait Paris, et il tenait dans sa main une dague, un couteau. L'affiche de cinéma Gaumont avait effacé ça, on préférait qu'il ne tienne rien. Magritte avait, sur cette absence, donc ce point qui ne servait plus rien, lui avait rajouté une rose. Et nous, on s'est peut-être dit que ce couteau, c'était peut-être un sexe aussi. Qui est là ? L'homme invisible. Cette idée du refus de l'identification corporelle, c'est aussi ce que pointe Stéphane Bouquet, qui est poète et scénariste, qui trouve d'ailleurs opérant le corps de Fantomas pour repenser ou penser l'évolution de présentation des corps dans la danse contemporaine. Je ne sais pas si c'est le corps de Fantomas qui est une métaphore opérante, parce que d'abord, quel est le corps de Fantomas exactement ? C'est quelque chose qui n'est pas facile à dire. Que l'idée de Fantomas, c'est-à-dire l'idée à la fois d'une métamorphose permanente et surtout l'idée d'une désidentification justement des corps. Ce qui me frappe, moi, c'est sans doute que dans ce qu'on a appelé un peu hâtivement comme ça la jeune génération, qui l'est peut-être moins maintenant, leurs premiers travaux a beaucoup consisté à une espèce de nomenclature des corps et de présentation et d'identification, justement, des corps qui étaient sur les scènes. Je pense par exemple à un spectacle de Jérôme Bell, qui est Jérôme Bell par Jérôme Bell, dont le titre veut déjà bien dire ce qu'il est, qui est vraiment une idée d'identité. Et les danseurs allaient inscrire leur identité sur le fond de la pièce. Je pense à Mua d'Emmanuel Wynne, qui est vraiment aussi un acte de naissance d'une chorégraphe à la danse avec son apparition dans le noir. Il y a un certain nombre, je pense aussi à la pièce de Boris Sharmatz, Attention, où il y avait véritablement un style de présentation comme ça, carré, qui pouvait aussi faire penser au photomaton. Enfin, on avait comme ça des procédures et des procédés divers de réflexion sur l'identité. Et ce qui me semble le courant qui se dessine aujourd'hui, ce serait plutôt le courant inverse, c'est-à-dire un courant de désidentification, là où précisément le corps de Fantomas pourrait avoir un sens métaphorique. voire pas seulement métaphorique, puisque si on pense au dernier spectacle de Christian Rizzo, on a effectivement, on est dans un système de métamorphose permanente avec en même temps une désidentification dans la mesure où les danseurs et danseuses ont des cagoules qui les rend irreconnaissables. On peut aussi penser au spectacle de Boris Sharmatz, Confort Fleuve. On peut aussi penser à un spectacle d'Alain Buffard où tous les danseurs ont des perruques. On peut aussi penser à un spectacle de Xavier Leroy qui travaille la métamorphose au point que son corps devient moitié masculin, moitié féminin. On peut penser évidemment à Sacha Valls qui a repiqué tous ses travaux pour les spectaculariser d'une certaine façon. Et donc on est, me semble-t-il, dans un procédé aujourd'hui où il s'agit moins de définir qu'est-ce que c'est que, par exemple, l'être du danseur ou l'être en général de quelqu'un, mais de définir dans quelle façon il y a des points de contact possibles où les identités vont se transformer de l'une dans l'autre, transformer, traverser les genres, traverser les genres pas seulement sexuels, mais aussi le genre minéral, le genre animal, le genre végétal, etc. Et voir rejoindre des zones de disparition les plus complètes. C'est-à-dire que moi, je suis frappé, par exemple, de la ressemblance qu'on peut faire entre le dernier film de Jean Pedro Rodriguez, qui s'appelle, qui est aussi son premier en l'occurrence, Au Fantasma, où on a un personnage qui disparaît au fond à la fin du film, qui d'une part disparaît d'abord dans une décharge et ensuite disparaît contre un mur et on ne sait pas trop, il prend une porte et on ne sait pas trop où il va et c'est l'évanescence totale. Alors ce personnage, à partir de la moitié du film, est en permanence cagoulé, donc il est une représentation évidente, métaphoriquement aussi, de Fantomas. Et le spectacle de Xavier Leroy, dont vous allez m'aider à retrouver le titre... Self-Unfinished c'est celui d'après, où au fond il va se mettre contre le mur du fond de la scène. Et il presque devient l'équivalent. C'est self-unfinished. Bon, alors je confondais. Mais en tout cas, ce dont je suis sûr, c'est qu'il a cette pratique, lui aussi, de disparition totale. Or, tout le spectacle est évidemment un spectacle qui est fait sur l'idée que, et le titre donc, du coup, le dit, qu'on n'atteint jamais à l'identité et qu'on est dans cette espèce de mutation permanente qui ne se fiche jamais sur un moment donné où un jeu est possible. Je rappelle que Fantomas style moderne est paru aux éditions Centre Pompidou Yellow No. Alors, petit agenda, du lundi 13 au 25, Anne-Thérèse de Kersmaeker fête son anniversaire au Théâtre de la Ville à Paris. Alors, avec une création, la reprise de Rain et un programme de répertoire au Théâtre de la Bastille. Du 14 au 17, Showroom Dummies, un spectacle chorégraphique et de marionnettes. Du 15 au 16, c'est au Centre Pompidou Gisèle de Xavier Leroy. Et le 18, What a Body You Have Honey de Esther Salomon, qui est aussi la danseuse de Xavier Leroy, toujours au Centre Pompidou. Studio Danse, c'est fini. Mixage Stéphane Desmonts, réalisation Laurent Rousseau. Around the lighthouse, I'm the most hated by scared human mouse. I've got nightmare.